Chapitre 6e. Que l'on nous pardonne la mythologie de cette comparaison surannée, mais jamais l'Hébé, qui servait des chansons à l'Olympe païen, n'a pu réunir plus de fraîcheur, d'éclat dans sa beauté surhumaine, que n'en réunissait dans sa modeste beauté terrestre Mademoiselle Antonine Hubert, dont M. Pascal avait surpris le secret et amoureux accord avec Franz. Ce qui charmait le plus dans cette jeune fille, c'était surtout cette beauté de 15 ans et demi, à peine épanouie, qui tient de l'enfant par la candeur, par la grâce ingénue, et de la jeune fille par les charmes voluptueusement naissants. Âge enchanteur encore plein de mystères et de chastes ignorances, aube encore pure, transparente et blanche, que les premières palpitations d'un cœur innocent vont nuancer d'un coloris vermeil. Tel était l'âge d'Antonine, et elle avait le charme, et tous les charmes de cet âge. Afin d'humaniser notre Hébé, nous la ferons descendre de son piédestal antique, et voilant modestement son joli corps de marbre rosé aux formes si délicates, si virginales, nous la vêtirons d'une élégante robe d'été. Un mantelet de soie noire cachera son buste d'une finesse de contour toute juvénile, tandis qu'un chapeau de paille, doublé de taffetas rose comme ses joues, laissant apercevoir ses bandeaux de cheveux d'un châtain très clair, encadrera l'ovale de cette ravissante petite tête, d'une carnation aussi fraîche, aussi blanche, aussi satinée que celle des enfants que la jeune fille venait d'embrasser. En entrant dans le salon avec Sophie, Mademoiselle Hubert rougit légèrement, car elle avait la timidité de ses 15 ans, puis, mise à l'aise par le cordial accueil de Duterte et de sa femme, elle dit à celle-ci avec une sorte de déférence puisée dans leurs anciennes relations de petite et de mère, ainsi qu'on disait au pensionnat où elles avaient été élevées ensemble, malgré leur différence d'âge. « Vous ne savez pas la bonne fortune qui m'amène, ma chère Sophie. »« Une bonne fortune? Tant mieux, ma petite Antonine. »« Une lettre de Sainte-Madeleine, » reprit la jeune fille en tirant une enveloppe de sa poche. « Vraiment ?» s'écria Sophie, rougissant de surprise et de joie en tendant impatiemment la main vers la lettre. « Comment, mademoiselle Antonine ?» reprit gaiement Charles Duterte. « Vous êtes en correspondance avec le paradis. Cela, il est vrai, ne doit pas m'étonner, cependant. Taisez-vous, monsieur le railleur, reprit Sophie, et ne plaisantez pas de notre meilleur ami à Antonine et moi. Je m'en garderai bien. Pourtant, ce nom de Sainte-Madeleine. Comment, Charles? Est-ce que je ne t'ai pas 1000 fois parlé de mon ami de pension, mademoiselle Madeleine Silvera, qui, vu son absence, a été, par procuration, marraine de notre chère petite? À quoi songes-tu donc? « J'ai très bonne mémoire, au contraire, ma chère Sophie, » reprit Duterte, « car je n'ai pas oublié que cette jeune Mexicaine était d'une beauté si singulière, si étrange, disais-tu, qu'elle inspirait au moins autant de surprise et d'attrait que d'admiration. C'est d'elle-même qu'il s'agit, mon ami. » Après moi, Madeleine a servi de petite mère à Antonine, ainsi que nous disions à la pension, où l'on confiait aux soins de chaque grande un enfant de 10 ou 11 ans. Ainsi, en quittant notre maison d'éducation, j'ai légué cette chère Antonine à l'affection de Sainte-Madeleine. C'est justement le surnom qui a causé mon erreur, reprit Duterte, surnom qui, je l'avoue, me semble très ambitieux, ou très humble pour une si jolie personne, car elle doit être à peu près de ton âge. On a donné à Madeleine le surnom de Sainte à la pension parce qu'elle le méritait, monsieur Duterte, reprit Antonine avec son grand sérieux de 15 ans. Et pendant qu'elle a été ma petite mère, on a continué à l'appeler Sainte-Madeleine comme du temps de Sophie. C'était donc une bien austère dévote que mademoiselle Sainte-Madeleine, demanda Duterte. Madeleine, comme presque toutes les personnes de son pays, nous avions francisé son nom de Magdalena, s'adonnait à une dévotion particulière. Elle avait choisi le Christ, et son adoration pour le Sauveur allait parfois jusqu'à l'extase, reprit Sophie. Du reste, elle alliait à cette dévotion ardente le caractère le plus affectueux, le cœur le plus chaleureux et l'esprit le plus piquant, le plus enjoué du monde. Mais je t'en prie, Charles, laisse-moi lire sa lettre. Je suis d'une impatience. Tu juges, la première lettre après 2 ans de séparation. Nous voulions, Antonine et moi, lui garder rancune de son silence, mais au premier souvenir de cette méchante Sainte Madeleine, nous voici, tu le vois, désarmés. » En prenant la lettre que Mademoiselle Hubert venait de lui remettre, Sophie reprit avec émotion, à mesure qu'elle lisait, « Chère Madeleine, toujours affectueuse et tendre, toujours spirituelle et gaie, toujours sensible aux chers souvenirs du passé. Après quelques jours de repos à Marseille, à son arrivée à Venise, d'où elle vient, elle part pour Paris, presque en même temps que sa lettre, et elle ne pense qu'au bonheur de revoir Sophie, son amie, et Antonine, notre petite fille, à qui elle écrit en hâte pour nous deux, et elle signe comme à la pension Sainte Madeleine. « Elle n'est donc pas encore mariée ?» demanda Charles du Tertre. « Je n'en sais rien, mon ami, » reprit sa femme, « puisqu'elle signe seulement son nom de baptême. »« Au fait, » reprit Charles en souriant, « pouvais-je faire une pareille question ? Une sainte, se marier ?» À cet instant, la jeune servante entra et, restant au seuil de la porte, fit un signe d'intelligence à sa maîtresse, mais celle-ci répondit « Vous pouvez parler, Julie. Mademoiselle Antonine n'est-elle pas de la famille ?»« Madame, » dit la servante, « Agathe demande si elle peut toujours mettre le poulet à la broche, quoique M. Pascal n'arrive pas. »« Certainement, » dit Madame Dutertre. « M. Pascal est un peu en retard, mais je n'en doute pas, il sera ici d'un instant à l'autre. »« Vous attendez donc quelqu'un, Sophie ?» dit Antonine lorsque la servante sortira. « Alors au revoir, » ajouta la jeune fille avec un léger soupir. « Je ne venais pas seulement pour vous apporter la lettre de Sainte Madeleine, je désirais longuement causer avec vous. » « Je reviendrai demain, ma chère Sophie. »« Mais pas du tout, ma petite Antonine. Juste de mon autorité d'ancienne mère pour retenir ma chère fille à déjeuner avec nous. C'est une espèce de fête de famille. Est-ce que ta place n'y est pas marquée, mon enfant ?»« Allons, mademoiselle Antonine, » dit Charles, « faites-nous ce sacrifice. »« Vous êtes mille fois bon, monsieur Dutertre, mais en vérité je ne puis accepter. » Alors, reprit-il, je vais employer les grands moyens de séduction. En un mot, mademoiselle Antonine, si vous nous faites le plaisir de rester, vous verrez l'homme généreux qui, de lui-même, est venu à notre secours il y a aujourd'hui un an, car c'est l'anniversaire de cette noble action que nous fêtons. » Sophie, ayant oublié l'espèce de pressentiment éveillé en elle par les paroles de sa petite fille, ajouta « Oui, ma petite Antonine, lors de ce moment de crise désastreuse et de si pénible gêne dans les affaires, M. Pascal a dit à Charles « Monsieur, je ne vous connais pas personnellement, mais je sais que vous êtes aussi probe qu'intelligent et laborieux. Vous avez besoin de 50 000 écus pour faire face à vos affaires. Je vous les offre en ami. Acceptez-les en ami. Quant aux conditions d'intérêt, nous les réglerons plus tard et encore en ami. » En effet, » reprit Antonine, c'était noblement agir. Oui, reprit M. Dutertre avec une émotion profonde, car ce n'est pas seulement mon industrie qu'il sauvait, qu'il assurait. C'était le travail des nombreux ouvriers que j'emploie. C'était le repos de la vieillesse de mon père, le bonheur de ma femme, l'avenir de mes enfants. Oh, restez, restez, mademoiselle Antonine. C'est si rare, c'est si doux, la contemplation d'un homme de bien. Mais tenez, le voilà, ajouta M. Dutertre en voyant passer M. Pascal devant la fenêtre du salon. Je suis bien touché de ce que Sophie et vous venez de m'apprendre, M. Dutertre, et je regrette de ne pouvoir me trouver avec l'homme généreux à qui vous devez tant. Mais le déjeuner nous mènerait trop loin. Il faut que je rentre de bonne heure. Mon oncle m'attend. Il a été cette nuit encore très souffrant. Dans ces moments de crise douloureuse, il désire toujours que je sois près de lui, et cette crise peut revenir d'un moment à l'autre. Puis, tendant la main à Sophie, la jeune fille ajouta « Je pourrai bientôt vous revoir, n'est-ce pas ?»« Demain ou après-demain, ma chère petite Antonine, j'irai chez toi et nous causerons aussi longuement que tu le désireras. » La porte s'ouvrit, M. Pascal entra. Antonine embrassa son amie et celle-ci dit au financier avec une affectueuse cordialité « Vous me permettez, n'est-ce pas, M. Pascal, de reconduire mademoiselle ? Je n'ai pas besoin de vous dire combien j'ai hâte de revenir. » « Pas de façon, je vous prie, ma chère Madame Dutertre, » balbutia M. Pascal, malgré son assurance, stupéfait qu'il était de rencontrer encore Antonine, qu'il suivait d'un sombre et ardent regard jusqu'à ce qu'elle eût quitté la chambre.